mon ami la Similoutin contre le marché de Noël. Mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin, la pignouille. Mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin, mon ami la Similoutin, la pignouille. Au supermarché. Mais arrête donc de fureter partout, la Similoutin. Nous n'aurons jamais le temps de finir nos courses de Noël. Cette grande surface est beaucoup trop grande et il y a tant de choses à acheter. Ouah! Ouf. Oh non, j'avais pourtant prévenu tout le monde que je faisais des courses. Qui peut bien me déranger à cette heure? Allô? Mon petit Grusty, je sais bien que tu fais des courses, mais l'heure est grave. Est-ce que tu connais le marché de Noël? N'est-ce pas le marché qui vend des produits fabriqués par de vrais artisans en état droit? Qui ne mettent jamais de payer leur charge comme il se doit. À des prix pas chers et bon. Hourra! Excusez-moi, monsieur. Oui, monsieur le vigile. Les chiens sont interdits dans l'enceinte du magasin. Ouf. Oui, vous consommez, mais vous êtes quand même un chien. Je vais vous demander de me suivre. Bon, excuse-moi, grand-mère. Il faut que je quitte le magasin. De toute façon, c'est tout pourri, les grandes surfaces. Bon, je vais pas te retenir plus longtemps. Nous vous attendons au marché de Noël avec le directeur. Ici, au moins, nos amis les animaux sont les bienvenus. Au marché de Noël, donc. Regarde, mon bon ami, la Similoutin, comme cet endroit est magnifique. Ça sent bon la cannelle, et regarde, ils ont même un stand où ils vendent des bonnets de Père Noël, comme c'est original. Hourra! Ouf. Oui, tu as raison. Ah, vous voilà les jeunes. Suivez-moi, le directeur vous attend. Un peu plus loin, au marché de Noël, à quelques pas du directeur. Bonjour messieurs. Ouf. Bah... Hourra! Et mademoiselle, je fais appel à vous pour régler une affaire délicate. Je vous demanderai tout d'abord de rester discret concernant cette affaire. Depuis quelques jours, des événements inexpliqués se produisent au marché de Noël. Les gens commencent à avoir peur et je sais que c'est complètement fou. Ce que le directeur veut dire, c'est que le fantôme de Georges Marchais se balade dans le marché de Noël et qu'il égorge tous ceux qu'il trouve sur son passage. Ne vous inquiétez pas, monsieur le directeur. Nous allons nous en occuper. Ce soir, nous allons monter la garde et démasquer ce soi-disant monsieur Marchais. Bof. Oui, autant pour moi, Marchais. Ouah. Le soir même. Tout paraît calme, mais ne nous fions pas aux apparences. Bon, pour être efficace, nous allons nous séparer. Vous allez vous mettre près de la Fnac, et moi je m'occupe de McDo. Oui, grand-mère. Bof. Dans la nuit. Bof. Bof. Bof. Bof. Bof. Bof. Bof. Bof. Mais qui est-il, mon bon ami, la Similoutin? Tu sembles aboyer comme si tu voulais me prévenir de quelque chose d'anormal. Mais quelle est cette lueur? Je suis le fantôme de Georges Marchais et je vais tous vous éliminer, crétin. Le marché de Noël est une manœuvre du grand capital pour faire consommer plus le peuple en regroupant tous les produits artisanaux au même endroit, comme les grandes surfaces. Fuyez, fuyez ou je vous maudis jusqu'à la troisième génération. Oui, nous n'avons pas peur d'un prétendu fantôme communiste, car il est établi qu'à part à Cuba, le système communiste s'est révélé inadapté à nos systèmes modernes. À nous deux, hourra! Mais où est ce monsieur Marchais? Il a disparu! Mon Dieu, mais c'est étrange! Ouf. Mais qui est-il, mon bon ami, la Similoutin? Oh, la gaine de Grand-mère Guèze! Cela veut-il dire qu'elle a disparu, elle aussi? Ouf. Où est Grand-mère Guèze? Qui voudrait du mal au marché de Noël? Le communisme est-il de retour? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode de la Similoutin contre le marché de Noël.